Bonjour à tous et à toutes, bonjour aussi aux autres. Et aujourd'hui, eh bien, sachez que Plus Fort, J'entends Rien, le Mac du mercredi, va céder la place à un beau projet. Peut-être il y a quelques années, vous aviez suivi l'émission Bande de filles, un projet initié par les 3C avec des adolescentes du quartier sud-est de Saint-Étienne, quartier de Radio-Dio, qui parlait de sorties cinéma. Eh bien, ce projet a été remodelé et reformulé, réinitié en 2023 avec ceux qu'on appelle administrativement des mineurs isolés, mais surtout des ados qui vivent au foyer de Clairvivre, au Quai de Roc, et au foyer du Pax à Jacquard. A eu lieu récemment la première rencontre radiophonique de cette joyeuse équipe et je vais vous proposer aujourd'hui des extraits choisis. Vous aurez l'occasion de rencontrer Sekou, Cissé, Camara, Lucas, Pierrot, Gassim, Lion et Thomas. On commencera par raconter son rapport à l'image, qu'est-ce qu'on regarde, où et comment, qu'est-ce qu'on partage ou pas. On y parle aussi de ce qui se passe dans la tête quand les images passent devant les yeux. On y parle du lien au pays, de la famille, de collectif, de foot, de PlayStation, de réseaux sociaux, de clips et de musique. Cette émission Bande de films se déclinera en 4 chapitres. Un tour de présentation en images tout d'abord, puis une chronique du film Youssef Salem a du succès par Thomas et Lion. Et pour une deuxième partie d'émission, présentation des clips d'Azaya par Sekou, présentation du clip Les Espoirs de Koronti par Camara. Vous verrez qu'on va plonger en Guinée-Conakry, ambiance 2-4-2, power dans le 4-2. C'est parti pour cette émission Bande de films. Radio Dio 89.5 FM. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le 89.5 de Radio Dio. J'ai plaisir d'accueillir dans nos studios eh bien, de nombreuses personnes. Vous êtes 8 dans le studio, un studio bien surpeuplé avec des personnes du foyer Clairvivre et du foyer du Pax. Je vais les laisser se présenter par eux-mêmes. Et on commence par toi. Ok, moi c'est Souma Sekou, je suis guinéen, je vis à Pax. Moi, c'est Cissé Aboubakar, je suis guinéen aussi, je vis au Pax. Moi, je m'appelle Camara Mohamed, je viens de 224. Lucas Sanchez, du coup, et foyer le Pax. Grimbert Pierre-Olivier, Clairvivre. Je m'appelle Gassim, je vis à Clairvivre. Je m'appelle Lion, j'habite à Clairvivre. Et bienvenue dans nos locaux, je suis très content de vous accueillir. On est ensemble pour partager autour des images, du cinéma, des clips, des séries, toutes ces images qui bougent devant nos yeux et qui abreuvent nos regards un peu tout le temps dans la vie. Et on va faire cet exercice un peu étrange de parler à la radio d'images qu'on ne voit pas. Mais c'est pour ça que je voulais commencer par une petite série d'interviews. Et on va commencer par toi, Sekou. Qu'est-ce que toi tu regardes à la télé, sur ton téléphone ou un ordinateur, un peu tous les jours, le week-end? Pour le moment, comme je n'ai pas la télé dans ma chambre, comme chez nous, actuellement, il y a un procès qui se déroule, le procès du 28 septembre. Actuellement, dès que je me réveille le matin, après avoir fini mes toilettes, je regarde ça, 14h, 15h, si ça finit maintenant. Il y a une émission qui joue sur YouTube à... Le jour où tout a basculé, je regarde ça aussi. Après, je balance un peu sur TikTok ou sur Facebook, faire des trucs pareils. Qu'est-ce que c'est que ce procès? Tu peux nous en dire un peu plus? Le procès, au fait, c'était le massacre du 28 septembre 2008. Il y avait un militaire au pouvoir en ce moment. Il s'appelait Moussa Dadis Camara. Bon, la population est sortie pour faire une manifestation pour le retour à l'ordre constitutionnel. Bon, ils étaient... on les a oppressés par la force. Maintenant, il y a eu plus de 150 victimes. Maintenant, ce procès se déroule actuellement à Conakry. Donc, c'est les images qui font le lien encore avec Conakry. Et ça, tu le regardes tous les jours? Oui, tous les jours, seulement sauf les week-ends. Mais actuellement, ça se déroule du lundi au vendredi. Toi, tu racontais tout à l'heure que tu as dans tes gènes un passif de journaliste. Tu peux partager avec les auditeurs et auditrices de Radio Dio, peut-être. Ouais. Au fait, en 77, quand Mouammar Kadhafi a offert la télévision à la Guinée, c'était en ce moment, c'était noir-blanc. C'était en 70. En 77, il y a le petit frère de mon grand frère qui était le premier personne à faire une émission sur cette télévision. Bon, à part ça, c'est-à-dire l'idole de mon père, c'est Ali Badra Diakité. C'est un journaliste qui est né en Côte d'Ivoire, mais c'était un Guinéen. Après ses études là-bas, il est rentré au pays pour servir la nation. Il a été l'un des meilleurs journalistes que la Guinée n'a jamais connu. Mais il a rendu l'âme en 95. Donc, mon papa parlait souvent d'Ali Badra Diakité pour moi. Donc, c'est devenu maintenant une gêne dans mon corps. Le journaliste, ça devient une passion pour moi. Donc finalement, l'image comme source d'information, vraiment, d'information politique, plutôt même. Ouais, ouais. Ouais, ok. Ouais. Alors, à côté Cissé, toi, moi, c'est quoi Cissé, que tu regardes? Moi, je suis basé sur le matin, je suis au travail, après le travail, je suis à la maison, je rentre dans les YouTube et les TikTok aussi. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes sur YouTube, du coup? Le cinéma de mon pays. Ok. Il y a des films, des extraits de films. Oui. Il n'y a pas des films entiers, j'imagine. C'est pas des films entiers. Et sur TikTok, du coup? Sur TikTok, des trucs qui font rigoler, quoi. Eh oui, les petites blagues. Ouais. Est-ce que toi, tu te filmes aussi? Est-ce que tu fais des petites chorées? Non, jamais. Zéro? C'est vrai. Arrête. Non. Qui c'est qui utilise TikTok parmi vous? Vous êtes plusieurs? Toi aussi? Régulièrement? Moi un peu, mais c'est pas trop. Pas trop, non. Ok. Eh ben, Camara, alors toi, qu'est-ce que tu regardes? Comme je regarde les résumés du foot. Ah ouais. Tous les week-ends, moi je regarde le foot, je n'ai rien à faire. Tu suis quelle coupe? Quel championnat? Bah, championnat d'Angleterre, championnat de France, de la Liga, Serie A. Ok. Je suis tous les matchs, donc tout compte fait. C'est un peu un Bundesliga. Je regarde le match, parce que moi, le football. Le sport, en fait, c'est ma passion, en fait. De faire le sport, de jouer au football. Avant, je jouais au Métard ici. Ok. Ouais, je jouais au Métard. Ouais, mais comme si j'avais mal au dos cette année, donc j'ai arrêté de jouer au foot. Donc peut-être l'année prochaine, je ferai plus encore à jouer encore. Et alors, l'image, tu regardes le foot tout seul dans ta chambre ou sur une télé et tu partages avec les autres? Ouais. Deux fois avec les autres en bas, là-bas, à l'accueil. Deux fois toute seule, dans ma chambre, dans mon téléphone, tranquille. Voilà, parce que moi, deux fois, tu vas trouver les gens qui jouent au play, donc tu pas les empêcher. Donc, deux fois, je monte dans ma chambre, tranquille. Ah, il n'y a qu'une télé, il y a la PlayStation, ou le foot, quoi. Ou le foot, voilà. C'est la guerre, alors? Non, c'est pas la guerre, mais quand tu reviens après mieux, bah, tu fais comme tu veux. Donc, du coup, c'est ça. Donc, ah, voilà. C'est le premier qui décide? Ah, voilà, c'est le premier qui décide. Voilà, hein. Ouais, bah, faut pas arriver tard, quoi. Bah, voilà, c'est plus là, on est tout à là-bas, l'air. Donc, du coup, voilà. Et les TikTok aussi, j'ai fait les TikTok deux fois. Bah voilà, TikTok par rapport là maintenant, je le suis tous les jours parce que là maintenant, j'ai 3000 et quelques d'abonnés, donc bah du coup ça va. Donc je fais les TikTok encore. Ah ouais, mais toi, ah ouais. Alors comment tu te filmes? Qu'est-ce que tu filmes toi? Je me filme pendant des musiques comme deux fois les musiques de Nino, de Gazo, un peu de musique de chez nous encore. Donc des fois je me filme avec ça, tranquille, avec moi. Avec mon ami, il me filme deux fois. Soit je fais tout seul, je mets quelque part sur une fauteuil, soit une chaise. Après je me filme, après là je fais tranquille. 3000 abonnés, t'es un peu la star. Hein. Moi, il n'y a pas 3000 personnes qui m'écoutent, moi. Non, même pas. Bah ouais, ça fait longtemps que je cherche ça, donc bah, c'est plus là. Sinon, bah ça va. Ça marche. Alors Lucas. Alors moi je regarde pas trop la télé, hein. Je suis sinon YouTube, TikTok aussi, les matchs de foot aussi. Mais alors YouTube et TikTok, parce que tu vas me dire t'allumes YouTube, mais si tu laisses YouTube dériver, tu tombes vraiment dans le tréfonds, quoi. Qu'est-ce qu'on regarde sur YouTube? Ça dépend vraiment les recommandations, en fait, hein. c'est comme TikTok. Tu vas pas spécialement chercher, tu commences par les recommandations et tu surfes. Après c'est plutôt bien fait, enfin, ça nous oriente vers les trucs qu'on regarde le plus régulièrement, mais sinon voilà. Films, séries? Films et séries, ouais. Aussi, ouais. Pareil sur Netflix, enfin voilà, des Amazon, tout ça. Sur les plateformes. Qui coûtent bien cher par mois. Tout à fait. Cinéma, des fois ou... Cinéma, ouais, ouais, j'aime ouais. Beaucoup, ouais. Ouais. Bah, le Méliès, la santé, qui, okay. Est, qui est pas trop cher, justement, et qui propose des bons films. Mais voilà, ouais. Alors, qu'est-ce que je regarde, moi, ça va être principalement, qu'est-ce que tu regardes ? Principalement du raconte-nous sport. Raconte-nous tout. Du sport. Ouais, ouais, beaucoup de sport. Ça va être bah, des combats, MMA, alors, du pied-point. Boxeur, ouais, MMA pied-point, ouais. Ouais, voilà, je peux regarder pendant pas mal d'heures consécutives. Aussi la donc NFL. Ça veut dire que t'as des abonnements pour regarder ça, parce que ça se voit pas partout, ou tu regardes sur YouTube. Alors, ouais. Je vais regarder sur YouTube. Ouais. Ouais, je vais regarder sur YouTube quelques gars, voilà, certaines pépites de leur discipline. Et puis bah, pareil, après les recommandations aussi, des fois, on va les suivre pour découvrir d'autres gars. Ça, c'est peut-être le moment de dire que du coup, tu fais des petits temps d'animation à Clairvivre aussi, ouais. Autour du sport de combat. Comment ouais, ça se passe? Alors maintenant, moins qu'avant, mais avant, on va dire, deux à trois fois par semaine, il y avait une session de pied-point. Donc moi, je viens de la Savate, des frères Carbone, qui sont pas loin d'ici aussi, à la Métard. Et oui, voilà, l'histoire stéphanoise. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc bah, voilà, j'ai un peu plus de 20 ans dans leur club, donc voilà, maintenant j'ai un diplôme d'éducateur sportif aussi, et auprès des jeunes à Clairvivre, depuis maintenant 8-9 ans, je leur donne des séances de savate ou boxe anglaise, et puis voilà, ça apprend à découvrir un peu les gens autrement, et on va parfaire un peu sa culture sportive sur YouTube ou n'importe où ça passe, le sport en France aussi, c'est une petite chaîne là, qui diffuse un peu tout ce qui se fait sur les sports de combat donc, en France, au niveau national. Et puis sinon, ça va être... je vais regarder des trucs de construction, de réparation de bagnole, voilà, un truc un peu de mec, quoi. Qui sont pas forcément super intéressantes, mais ça tue le temps. Qui t'intéresse, toi, ouais. Ouais, voilà, bon, ça m'intéresse. J'aime bien voir la construction, les choses évoluer. Clairvif, c'est un grand foyer par rapport au PAX, j'imagine. J'espère que vous n'avez pas un seul écran pour tout le monde, sinon c'est pareil, ça doit être un peu la guerre, non? Alors, il y a des écrans dans les chambres, heureusement, ouais. qui sont mis à disposition des jeunes en location, mais on en a une trentaine. Et bon, tous ne peuvent pas être servis. Après, c'est vrai qu'il y en a un aussi dans la zone d'accueil. Lui, il tourne 20h sur 24. Quoi, ouais. C'est, voilà. Le soir, c'est foot et le reste de la journée, ça va être de la musique. Ou des séries un peu du pays. Chacun essaie de regarder un peu son petit plaisir, ouais, et puis le ramener un petit peu au pays, quoi, histoire de un peu de nostalgie. Voilà. Gassim ? Bon, du coup, j'ai regardé plein de choses dans les YouTube là. Parce que j'ai écouté musique. Je l'aime bien musique. Après, j'ai regardé film aussi. Okay. À Netflix. Sur Netflix. Oui, après, j'ai fait TikTok aussi. Avec Facebook. Avec. Pour regarder les musculations. Parce que je l'aime bien aussi. Un sport aussi encore. Des tutoriels ? Oui. Ok. Et quoi comme film tu regardes du coup ? J'ai regardé des films des Vikings comme ça, Netflix. Voilà, je l'aime ça bien. Ça marche. Et on finit le tour de table par Lion. Ouais. Moi, si je n'ai pas allé à l'école le week-end, souvent je révise à la maison. Si c'est pas ça, TikTok, je m'en plais, mais c'est pas beaucoup. Et puis, je l'aime musique aussi, surtout musique Cyril Diabaté. Ok. Il aime ça beaucoup un peu. D'accord. Ouais. Toi, tu te filmes pas non plus. Il y a que Camara qui se filme sur TikTok. Oui. Non. Et puis. Ah, toi aussi. Oui. Moi, souvent, je fais des lives avec mes amis. Ok. Et puis, support aussi, ça aussi, je l'aime. D'accord. Ouais. Et toi, tu regardes beaucoup l'écran du foyer ou t'es plutôt sur ton téléphone ou. De quoi? Tu regardes plutôt la télé au foyer ou tu regardes aussi plutôt ton téléphone ? Téléphone. Ouais. Ouais. Parce que ma chambre, il n'y a pas de télé là-bas. Ouais. Et que partager avec les autres, c'est pas toujours rigolo. Oui. Ouais. Youssef Salem, tu es officiellement sur la shortlist du concours. Faut que je le dise à mes parents. Comment t'as pu écrire un torchon pareil? Maman n'a jamais couché avec le maître nageur. Je sais bien. T'imagines si papa il tombe dessus? Ouais. T'imagines le début? Tu mériterais qu'on mette un contrat sur ta tête. Ouais. Putain. Ouais. Qu'on t'élimine. C'est moi, l'auteur, Youssef Salem. Je l'ai pas lu encore. Enfin, je vais le lire, hein, mais oui. Il paraît que c'est super. En tout cas, ça se vend très très bien. Eh ben justement, il faudrait arrêter de le vendre, s'il vous plaît. Moi, j'aime pas du tout votre petit mépris d'auteur. C'est une question de vie ou de mort. Dans cette famille, tout le monde a honte d'être arabe. Voilà. Zama, t'es écrivain, tu connais rien. Zama, je suis un Moleskine, je suis là avec mon critérium, elle est géniale. Critérium, Charles. Bah. C'est quoi l'exemple que vous voulez donner? J'essaie juste dans ce livre de raconter l'histoire d'une famille en restant le plus lucide possible. Et il se trouve que cette famille, elle a des défauts. C'est moi qui l'ai déniché. Oui, mais ce génie. Allez, c'est le dernier. Tu trouves pas que la vie, c'est tout petit peu plus grand que ça? Maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis grand-mère? Non, non, maman. C'est vous qui avez écrit ce bouquet magnifique là? Oui. Je suis reconnue, je sais pas, cette famille. Vous êtes une arabe? Ça vaut pas, non, ah ouais, je suis d'accord. Pas arabe. Non, non, non, non, non, moi je suis marseillaise. Et voilà, on va parler cinéma sur le 895 de Dio, chers auditeurs et auditrices. On est toujours avec des habitants du foyer du Pax et du foyer Claire Vivre et avec l'association des 3C représentée par Thomas aujourd'hui. Bonjour à toi. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et présenter aussi cette asso pour laquelle tu travailles? Oui, bien sûr. Je travaille pour donc, cette association, les 3C, donc anciennement Le France, la salle Le France. Puis ensuite, on a continué une activité un peu plus décentralisée avec des projections qui ont lieu hors des salles et des actifs aussi pour les enfants. On a un festival Tête de Mule aussi qui organise tous les ans une rencontre pour les enfants. Une rencontre cinématographique. Et pas mal de projections plein air aussi. Oui, l'été. Beaucoup. Mmh. C'est vrai. Et donc, c'est vrai que les projections commencent dès la fin du mois de juin jusqu'à mi-septembre. Voilà, donc on s'étale vraiment sur toute la période estivale pour ce genre de séance. Et là, en l'occurrence, ce qui nous amène et ce qui t'amène ici, c'est, et pour ça qu'on vient d'entendre la bande-annonce de ce film, Youssef Salem a du succès, c'est une proposition que vous avez fait donc au foyer Claire Vivre, au Pax et à Radio Dio, et ben de proposer des sorties cinéma pour aller voir des films et d'essayer d'en débattre à l'antenne pour concocter une émission cinéma. Comment c'est venu ce projet-là? Oui, alors c'est une reprise un petit peu de projet d'une ancienne salariée en fait des 3C qui avait commencé à mener ce projet un peu d'association entre le cinéma et la radio pour surtout avoir un retour des expériences cinématographiques dans les salles de Saint-Étienne avec les jeunes qu'elle emmenait voir, voir des films. Donc j'ai essayé de reprendre ce projet-là puisqu'il me paraissait intéressant, surtout qu'on est beaucoup en contact avec le foyer Claire Vivre pour tout autre projet. Tu as proposé cette sortie. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce film qui est sorti il y a quelques temps? Oui, bien sûr. Youssef Salem est sorti en janvier, donc réalisé par une réalisatrice assez bien installée en France, Baya Kasmi, qui n'est pas son premier long métrage. Je ne savais pas à quoi m'attendre puisque j'avais jamais vu de film d'elle avant. Après j'ai vu, en voyant la bande-annonce, celle qu'on a écoutée juste avant, la présence d'acteurs assez reconnus depuis quelques années m'a donné envie de tenter une expérience sur ce film, surtout qu'il y avait aussi ce côté léger, drôle qu'on peut sentir aussi à la première écoute. Alors là, on voit le réflexe de la personne un peu pointue en cinéma, qui cite une réalisatrice dont c'est le premier film que très peu de gens connaissent, alors qu'il y a des acteurs et actrices dans le film qui sont par contre beaucoup plus connus. Peut-être que tu peux les citer. Ah oui. Oui, bien sûr. On a entendu la voix de Ramzy, donc cet humoriste qui est connu depuis de longues années maintenant. Il y a son attaché de presse aussi qui a fait quand même pas mal de films. Oui, bien sûr. Noémie, j'arriverai pas à le prononcer. Lvovsky. Oui. Mais oui, d'ailleurs, elle continue un petit peu cette activité puisque là, au mois de février, d'ailleurs, je vais voir un film d'elle ce soir, La Grande Magie, qui sort en ce moment au cinéma. Donc un film qu'elle a réalisé et puis où elle apparaît aussi dedans. Donc il y a cette actrice aussi en effet qui voilà que tout le monde, enfin en tout cas peut-être les pointures, je sais pas, connaissent. Et puis il y a aussi la sœur de Ramzy aussi qu'on entend un petit peu, Melia Bedia, qui est aussi qui fait son apparition dans le film. Très bien. Alors, de toutes les personnes de cette pièce, il n'y a que toi, Lion, qui a été voir ce film. Déjà, du coup, est-ce que tu peux nous parler? Est-ce que je ne sais pas, est-ce que tu étais déjà allé dans ce cinéma, le oui. Méliès? Oui. Ouais. Oui. Tu te souviens ce que tu avais été voir avec ta mémoire fabuleuse? Bon, j'ai senti beaucoup de choses. C'est la première fois quand même. Sinon, moi, je ne regarde pas le film beaucoup, mais quand même, le jour que je pars là-bas, j'ai regardé le film là, j'ai senti beaucoup de choses. Le film quand même, c'est très très cool, c'est bon. Ouais, ça t'a plu ? Oui. Ça raconte quoi comme histoire du coup ? Est-ce que tu peux raconter aux histoire auditeurs ? Pour les familles. Histoire pour les familles. Et qu'est-ce qui se passe dans le film ? Bon, je ne me souviens pas beaucoup des trucs. Allez Thomas, tu peux peut-être l'aider et prendre le relais. Attention, hein, règle très importante des émissions sur Radio Audio de cinéma. On ne spoile pas trop, hein. Ah oui, oui. Attention. Je vais faire attention. En fait, il a raison. On ressent beaucoup de choses en voyant ce film, puisque on passe par différents sentiments. Il y a beaucoup de moments drôles, donc on rigole pas mal. D'ailleurs, dans la salle, je sais pas si tu te rappelles, Lion, il y avait une dame qui rigolait, mais vraiment très fort le long. Oui. Voilà, donc elle l'entendait peut-être plus que le film. ouais. Mais sinon, il y a des moments assez tristes aussi qui arrivent. Donc, c'est vraiment une confusion des sentiments, ce film. C'est assez cool de ressentir tout ça, c'est vrai, après une heure et demie de visionnage. Et peut-être que je peux te donner des éléments peut-être sur le film, comme tu m'as... C'est très aimable à vous. En fait, le film, il commence d'une manière assez étrange. C'est que on plonge un petit peu dans le film comme dans un conte, puisque... des images apparaissent avec la voix over de Ramzy, donc il décrit ces images, mais à la manière d'un conteur. Donc en fait, on apprend à la fin un moment dans le film, en fait, qu'il est en train de lire le roman qui va faire un petit peu tout, qui va un petit peu changer sa vie, même totalement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce roman, et comme le disait Lion aussi, est vraiment porté sur sa famille. Donc c'est proche vraiment du quotidien. Par contre, il va exagérer, il va vraiment grossir les traits de chacun, même s'ils sont déjà très drôles dans la vraie vie, enfin en tout cas dans la vraie vie du film. Donc lui, Ramzy, en fait, va prendre un malin plaisir à caricaturer justement ses proches, ses frères et sœurs, sa mère, son père. Merci à vous de nous avoir partagé un petit peu ce visionnage. Merci. Timmy, la voix charismatique de la musique guinéenne, l'actuel roi de la musique guinéenne. Il s'appelle Mohamed Kamisou, l'enfant de Kankan Nabaya. Il est accompagné par sa femme, Kelly Kamabintou, l'enfant de la ville industrielle de Priya. Avec Mohamed Kamisou, c'est du lourd. Quand c'est bon, l'actuel Waba de la musique guinéenne. Ça c'est la réalité, quand la femme aime, elle fait tout, quand elle aime pas, elle fait tout. Donc il faut savoir distinguer le tout du tout. Ça se passe avec Big Logique, le seul direct son agrégat. Quand c'est bon, Azaya, au bon rythme. Featuring Djelikaba, Bintou, ouais. Le morceau Bébé là, c'est cool. Tu nous as choisi un vidéoclip, toi. Ouais. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ces artistes que tu as super présentés? T'es vraiment un homme de micro, toi. Ouais, Azaya, au fait, c'est un artiste, compositeur et bâtiste en même temps. Il est né à Cancan, c'est-à-dire la deuxième capitale de la Guinée, qui est venu à Conakry rejoindre son oncle qui avait un groupe, c'est-à-dire Artistique. Bon, il jouait comme guitariste avec Baptiste derrière les artistes. Il a fait beaucoup de tournées, c'est-à-dire américains, européens, derrière les grands comme Sekouba Kanjakouyaté, les Takana Zion. Bon, après ses expériences derrière ces grands, il a décidé lui-même de se lancer dans la musique. Et du coup, la personne qui chante avec lui sur ce morceau, c'est sa femme, Djelikaba Bintou. Oui, elle aussi, c'est une descendante de Djeli, c'est-à-dire son papa même, c'est une Djeli. Son papa vient juste de rendre l'âme. Ouais. Et alors, c'est un chanteur qui est connu là-bas. Oui, c'est un chanteur qui est connu actuellement. Depuis longtemps. Oui. Actuellement, c'est le numéro 1 en Guinée. Ok. Il fait de l'afro bandé. Et est-ce qu'il est écouté aussi dans les autres pays autour ou vraiment uniquement en Guinée? Non, c'est pas seulement en Guinée. C'est-à-dire la langue mandéenne, c'est-à-dire c'est une langue qui est parlée un peu partout en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, Mali, c'est-à-dire Sénégal. Bon, il cartonne même en dehors du pays. Et alors là, on voit un clip où il y a énormément de costumes, ouais. Très beaux costumes d'ailleurs, des pantalons un peu léopard avec des chemises jaunes, très très bon style, j'adore. Et pas mal aussi, donc derrière Djelikaba, de femmes avec des tenues roses. C'est beaucoup de chorégraphie. Qu'est-ce que tu peux dire de ce vidéoclip, toi? Au fait, comme je disais, c'est un artiste, c'est-à-dire le morceau, c'est afro-mandingue, c'est-à-dire c'est un mélange de mandingue avec l'afro-beat. C'est pourquoi dans le clip on voit des costumes cousus, des tissus africains avec des pantalons, c'est-à-dire c'est un mélange au fait. Ouais. Ok, très coloré les images avec des filtres aussi, beaucoup de couleurs. Ça t'évoque toi? Bon, je n'ai aucune idée sur ça. Ça marche. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter un petit peu des éléments, des choses que tu as à dire par rapport à Azaya, par rapport à la place de la musique mandingue, puisque tu en parlais aussi un petit peu hors antenne tout à l'heure? Ouais, bon, pourquoi j'aime Azaya, la musique mandingue? Parce qu'au début, il a été critiqué, parce que les gens disaient que ses morceaux étaient dédiés à sa femme. Lui-même, il s'est exprimé, il dit oui, parce que j'aime ma femme, c'est pourquoi je dédie mes morceaux à ma femme. Si quelqu'un d'autre aussi a une préférence, lui aussi, il peut faire la musique qu'il veut, mais moi quand même, c'est ça, j'ai opté, maintenant tout le monde l'apprécie sur ça. Bah merci à toi, ouais, de nous avoir partagé ce coup de cœur. Ok, merci, à pas de soucis, merci. Voilà. Aujourd'hui, on va écouter les espoirs de quarantaine de la Guinée, les anciens musiciens de la Guinée. Tu l'écoutes, tu vois des bons esprits qui parlent. Ah bah ouais, la raison, il dit la vérité avec ses chansons. C'est pour ça que moi, je l'aime bien. Eh bah, mesdames et messieurs, approchez-vous. On va se régaler un peu là. Eh, vous êtes là, vous êtes chaud ou pas? On est chaud, voilà. On est chaud. On va l'écouter, les espoirs de quarantaine, elles ont raison. La vie n'est pas facile. Avant de voler, il faut demander quelqu'un pour te donner. Là, c'est la vérité. Ah bah ouais, avant tout c'est la loi. Ah ouais ouais, les doyens, ils sont toujours les policiers, on les salue tous. Allez Saint-Étienne, j'espère que vous êtes sous les siphons noirs. On va les écouter, les espoirs du quarantaine de la Guinée. Ah, vous êtes chaud ou pas? Alors moi je suis chaud, ouais. Ah bah voilà. Il est bon ce son, donc là c'est une autre époque, c'est plus ouais vieux. Ouais, ça c'est une autre époque. Ouais. Ça, c'était quand ça? Ça c'est vers 2000. Vers 2000? Ouais. Ok, d'accord. La musique, du coup, moi j'aime leur musique. Quand j'étais tout petit, avant de dormir, ma mère aimait ça tout le temps, avant de tomber malade. Donc du coup, j'écoute souvent les émissions des espoirs de quarantaine. Ah, c'est la musique qui te berce encore. Ouais. Ouais, ok. Quand je l'écoute encore, je me rappelle de ma mère, de beaucoup de choses, de ma famille en fait. Parce que moi, c'est un artiste, c'est les griots en fait. Je l'aime bien, c'est l'air instrumental. Quand il parle, il te donne du conseil. Et parle de la conscience avec leur musique. Ça donne du conseil de la vie. En vrai, quand eux parlent, en fait, c'est la réalité de la vie maintenant que nous les enfants, on suit maintenant. C'est là maintenant, c'est la réalité de la vie. Comme sa chanson qu'eux parlent, elle a parlé de beaucoup de choses. Alors justement, là, le morceau, il s'appelle Dunia Giri. Dunia Giri. Ça parle de quoi? Ouais, je suis désolé, j'ai pas compris les textes. Là, ça veut dire la vie. Comme par exemple, on dit, on parle de la vie. La vie n'est pas facile. Avant de la vie n'est pas facile par rapport à tout le monde. La vie est tellement compliquée. Des fois, il a parlé de beaucoup de choses. Avant de prendre quelque chose, il faut demander. Si par exemple, soit toi tu n'as rien, moi j'ai des choses. Si on part à la justice, moi je peux payer pour ma liberté. Toi, tu peux rester là-bas parce que moi tu n'as rien. Là, il a parlé de ça aussi. Il a parlé de beaucoup de choses qui est important, très très important dans la vie quotidienne. Comme nous, on vivons. Comme nous en vivent. C'est pour cela que j'écoute leur musique tout le temps. Alors, les Espoirs de Coranti, c'était connu dans ta famille, là où tu as grandi, ou c'est pareil? C'est un groupe. Ouais, c'est un groupe de la Guinée. Ils sont très connus. Ouais, ouais, c'est très très connu. Même si en France, ici, ils sont faits tout de la France déjà. Ils sont très très connus en France, en Allemagne, en Belgique. Ok. Beaucoup des endroits, ils sont passés. Ils sont passés en France ici, à Paris, comme au Bruxelles, ils sont passés à Londres même. Okay. Les Espoirs de Coranti, c'est un ancien groupe en fait. Et là, on avait du coup une personne qui avait le chant principal et il y a tout un groupe derrière. Ouais. Donc il y a des marimbas, de ce que je voyais, des percussions. Il y a tout, des instrumentales. Des ngoni et tout ça. Ouais. Mais normalement, ils sont trois dans le groupe. Ok. Ils sont trois à chanter. Donc, parce que moi, j'ai vu un clip là, du coup. Alors effectivement, déjà, l'image est beaucoup plus datée que ce qu'on a écouté avant. Ouais. Ils sont dans la nature. Puisqu'il y a l'air des costumes traditionnels au milieu, au bord d'un lac, etc. Ouais. Ils font de la musique, mais il y avait beaucoup plus de musiciens que trois. Ouais. Le groupe, normalement, ils sont beaucoup nombreux, mais ceux qui chantent de compositeurs, ils sont trois. C'est les trois personnes seulement qui chantent. Ouais. Les autres, ils jouent leur instrumental seulement, sans but. Tu sais, à notre époque, là, maintenant, là, les gens mettent le but pour jouer. Ils n'ont pas besoin de but avec leur instrumental, là. Du koura, du guitare, ça suffit déjà. Pour faire une musique. Donc c'est pour cela moi j'ai du coup beaucoup de choses. C'est pour cela moi je l'écoute leur musique parce que encore dès que je l'écoute ça me donne des forces encore, des récits dans la vie. Et c'est là c'est vrai que sur l'image qui est un peu notre sujet aujourd'hui, bah là c'était un plan grand, un peu de loin. Tout à l'heure ça a changé tout le temps, il y avait hop des plans différents, etc. Là c'était beaucoup plus calme, c'est aussi le montage un peu à l'ancienne. Peut-être toi Thomas, tu peux nous dire là, qu'est-ce que tu penses de l'accélération du montage? Oula. Eh ouais, t'as vu. J'ai jamais analysé de clip. T'as jamais analysé de clip. Ok. Mais en tout cas, peut-être que c'est au niveau du dynamisme que les artistes ont envie de transmettre là. Peut-être pour Azaya, l'idée c'était que les gens se lèvent et dansent. Peut-être que c'était le but. Alors que là, c'était peut-être que les chanteurs demandent à plutôt ce qu'on écoute les textes plutôt que voilà se mettre dans l'ambiance et tout ça. Je sais un groove un peu différent, ouais. Bon, au fait, ça, dans le clip, comme il n'y a pas de danseur, c'est un morceau qui parle, c'est-à-dire de l'injustice qui se passe dans nos sociétés. Parce que dès que tu es en conflit avec quelqu'un qui a de l'argent plus que toi, une fois arrivé devant la loi, c'est-à-dire il va te laisser là-bas. Il va te laisser là-bas. C'est un peu près ça. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes qui dansent. Tu veux dire que le sujet du morceau aussi, oui, il amène une différence. C'est-à-dire, oui, le sujet du morceau, parce que le morceau veut parler, c'est-à-dire nous ne sommes pas égaux dans la vie. Il y a certaines personnes qui ont des privilèges sur d'autres choses. Le morceau veut parler de ça. C'est un groupe, c'est-à-dire dans le quartier que moi je suis né, c'est le groupe là vient de là-bas. C'est-à-dire c'est les amis du quartier qui sont donnés même pour former un groupe. C'est-à-dire d'autres tapaient du djembé, c'est-à-dire c'est des instruments folkloriques qui sont utilisés souvent. Leur musique, avant c'était pas à but lucratif, c'était pour donner des conseils aux gens, c'est-à-dire comment se comporter dans la société. Mais avec l'évolution du temps, ils ont pu se séparer maintenant, ils évoluent en solo. Parce que quand ils sont en groupe, souvent c'est des managers qui bénéficient de leur argent. C'est pourquoi quand ils ont connu ça, ils ont dit ils n'ont qu'à se séparer maintenant avec les trois personnes. Si l'autre veut sortir son morceau, c'est les autres personnes l'accompagnent. Lui, il fait sortir son album. L'argent maintenant, c'est lui qui prend. Après, les autres aussi, ils font le tour de comme ça. Il y a certains éléments de leur groupe, c'est-à-dire en Afrique, comme c'est pas facile, quand ils sortent pour des tournées européennes, c'est-à-dire des baptistes, des pianistes là, certains se faufilent. C'est comme ça, ils ont commencé à se disperser. Auditeurs et auditrices, donc, allez creuser et fouiller au niveau de la musique des Espoirs de Koronthi, C-O-R-O-N-T-H-I-E. Et merci à vous de nous avoir proposé ce petit bout de vos passions. C'était l'épisode 1 de l'émission Bande de Films avec les jeunes du foyer Claire Vivre et du foyer du Pax. Vous pourrez les retrouver bien entendu en podcast sur le site radioaudio.org et un peu plus tard dans l'année pour un épisode 2, à n'en pas douter.